Et je manque à tous mes devoirs. Merci à Benjamin Fabre qui a publié « Comment devenir un parfait faillot au bureau » et à Hélène Vicali, maître les pervers, échecs et maths. Merci d'être venu. Dans un instant, la bande originale de Nagui avec Marion Cotillard et Léa Seydoux. Vous écoutez France Inter, il est 11h. Le Flash, Laetitia Gaillet. Une violente explosion ce matin dans un immeuble du centre-ville de Dijon. Il y a plusieurs blessés graves, 8 dans une urgence absolue selon la préfecture. Une autre est portée disparue et une autre est également toujours enfouie sous les décombres. Les pompiers n'ont pas encore réussi à entrer en contact avec cette personne. Selon le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, l'explosion est probablement liée au gaz, un accident domestique. En tout cas, la procureure de Dijon, elle, exclut tout acte terroriste. Le quartier a été bouclé. L'Union européenne est dans une situation critique. À son arrivée au sommet européen de Bratislava en Slovaquie, Angela Merkel a plaidé donc pour une Europe unie. Nous devons montrer par nos actions que nous pouvons mieux faire. Et selon la chancelière allemande, ça concerne les domaines de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la coopération aussi en matière de défense et les questions de croissance et d'emploi. Sur le dossier de la défense européenne, François Hollande a déclaré que la France faisait l'effort principal, mais qu'elle ne pouvait être seule. Et elle ne veut pas, dit-il, être seule. Avec Angela Merkel, le chef de l'État réclame une feuille de route. L'enjeu de ce sommet est donc de surmonter le Brexit. D'ailleurs, Londres n'est pas pour la première fois représentée dans ce sommet. Surmonter donc le Brexit pour éviter la dislocation de l'Union européenne. On savait qu'Apple était déjà en délicatesse avec l'Europe pour des avantages fiscaux illégaux perçus en Irlande. Maintenant, c'est le Japon qui monte au créneau. Tokyo reproche aux géants américains aujourd'hui des impôts à payer, impayés, plusieurs dizaines de millions d'euros. Un migrant est mort ce matin sur la rocade portuaire de Calais. Il a probablement été percuté par un véhicule. C'est le 12e migrant mort dans le Calaisis depuis le début de l'année. Par ailleurs, dans le nord de Paris, un camp de migrants a lui été démantelé ce matin. 1500 à 2000 personnes ont été dirigées vers des centres d'orientation. L'adolescent arrêté mercredi à Paris, soupçonné de vouloir mener un attentat. Cet adolescent de 15 ans a été déféré ce matin. Il doit être présenté à un juge antiterroriste pour être mis en examen. Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. Deux autres adolescents au même profil ont été interpellés en France ces derniers jours. Quant aux 5 hommes, les 3 Syriens et les 2 Koweïtiens qui avaient été interpellés mardi, on les soupçonnait de vouloir acheter 4 Kalachnikov. Et bien ces 5 hommes ont été remis en liberté ce matin. A priori, aucune charge n'a été retenue contre eux. Il a décollé hier soir de Kourou en Guyane. Le lanceur européen Vega a mis sur orbite 5 satellites d'observation cette nuit. C'est le 7e lancement réussi cette année pour Arianespace. Enfin, oui à la voiture électrique, à condition que l'autonomie soit supérieure à 300 km. C'est ce que dit une étude Ipsos publiée ce matin. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Tous les dimanches matins, à 11h sur France Inter, on va déguster. François-Régis Gaudry. Avez-vous quelque part, dans votre imaginaire gustatif, une grand-mère, une mémé, une mamie gâteau qui vous régalait quand vous étiez petit? Avant de partir à l'école, maman nous faisait un lait de poule chaud. Comment se transmettent ou se perdent les recettes de famille, mère, grand-mère et bon petit plat, dont on va déguster. Le dimanche matin sur France Inter, à 11h. À dimanche. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz et j'ai économisé plus de 200 euros sur 1 an, avec en prime un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Don Juan de Molière. Mise en scène par Jean-François Civadier avec Nicolas Bouchot à partir du 14 septembre à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Un Don Juan irrésistible, inimitable, inépuisable, insaisissable. Revisité par Jean-François Civadier, le libre chef-d'œuvre remis à neuf et à nu, fidèle au génie de Molière. Retrouvez Don Juan dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Et sur France Inter, dès à présent, la bande originale, c'est avec Nagui et toute sa bande. Merci Laetitia Gaillet, prochain rendez-vous avec l'info tout à l'heure, midi. c'est la bande originale, Soli. Bienvenue avec Leïla Kadour-Boudali. Oui, bonjour. Mais elle n'est pas là. Daniel Morin. Bonjour. Guillermo Gouy. Yes. Albert Algout. Bonjour. Richard Ornac. Bravo. Et nos invités sont Léa Seydoux et Marion Cotillard. Ouais, bravo. Bonjour Marion, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans cette bande originale. On va attendre avec impatience et Léa Seydoux et Leïla qui sont peut-être au café en train de déguster tout. Il y a de la circulation le vendredi. C'est ça, c'est ça. Le vendredi, et surtout avec la météo qui fait ce vendredi. Je ne sais pas si tu as vu, mais pour un vendredi, je trouve qu'on a une météo particulière. Ce n'est pas une météo de vendredi, vous c'est avez ça, raison. C'est ça, c'est étonnant. Nous allons évidemment parler du nouveau film de Xavier Dolan que nous avons. On est vendredi ? Que, ouais. Oui, on est vendredi aujourd'hui. Nous allons enfin, bien. Marion. Hé, hey, comédienne ! Ça nous arrive à tous. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir le jeu de l'étonnement de Marion ? Bravo ! Merci, j'ai beaucoup travaillé. Le temps passe à une vitesse, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Et donc, et comme tu regardes, et Marion, regarde l'heure, il est 11h et plusieurs minutes. Et plusieurs voilà. minutes. Parce que beaucoup de choses en une fois. Ça y est, 11h07. À ta pendule. Ouais. À ta pendule, parce que chacun a un horaire particulier. Bon, nous allons donc évoquer juste La fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan, dans lequel joue Marion Cotillard, également Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel et Léa Seydoux. Ça va être très compliqué de faire cette émission dans la mesure où on a vu le film, dans la mesure où on a aimé le film et dans la mesure où les cinq comédiens sont à tomber. Mais on va forcément trouver Gagnons des trucs du temps. À Merci raconter. Marion. À bientôt. Bravo, bravo. Voilà. Et allez voir le film. Allez voir le film. Bon mais week-end. Est-ce que. Déjà, on est le week-end. Non, il est 11h. 11h08. Il reste encore le jour. Je vais me caler. Il y a donc Maréchal. Vous avez vu, vous également, ce film. Ou du moins, savez-vous, Maréchal Ganache, pourquoi Léa Seydoux et Marion Cotillard sont nos invités? Écoutez, je le sais, d'autant mieux qu'hier, lors de la projection du film Juste à la fin du monde, j'étais assis à côté de vous, monsieur Nagui. C'est vrai. Et au bout de 10 minutes à peine, vous êtes endormi. Non, c'est faux, salaud. Alors, ce film, je peux en parler aussi bien que vous, avec mesdames Cotillard et Seydoux. Mais non, c'est Cotillard non, et Seydoux. En français, monsieur Nagui, monsieur Nagui, on prononce toutes les lettres. D'accord. Alors, il s'agit, ce film, en quelque sorte, d'une méthode pour bien annoncer son décès imminent à ses proches. Surtout lorsque ceux-ci ne s'entendent vraiment pas au sens propre comme au sens figuré. Quand les rancœurs, les rancunes, les non-dits, les jalousies, je peux continuer encore les synonymes, se muent en quiproquo, en malentendu, en équivoque. Et je dois dire que j'ai été très ému, M. Nagui, par ce film. C'est vrai. Moi qui m'y connais en situation extrême, c'est-à-dire je suis à moi seul une situation extrême, ça, oui. Ça m'a rappelé un épisode très douloureux de mon existence lorsque je suis venu annoncer l'indicible. L'indicible, à ma famille, à savoir que j'allais pas tarder à canner. Alors, je sais ce que vous pensez tous ici. Je le sens. Vous vous dites... C'est demain. Dans Juste la fin du monde, c'est un homme jeune, à peine 34 ans, qui revient voir les siens pour leur annoncer qu'il va bientôt casser sa pipe. Mais qu'un vieillard tel que ce dégueulasse de Ganache soit sur le point d'avaler son bulletin de naissance, d'aller bouffer les pissenlits par la racine, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas lieu, je lis dans vos pensées, il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat, tout le monde s'en fout. Et puis, ça libérera un lit, une baignoire à porte et des alaises à l'hospice des vieux glands. Alors, je reviens à mes souvenirs. Quand je suis... Bonjour, madame Seydoux. Moi aussi, quand je suis revenu à la Châtre en 19... Non, mais écoutez, un peu de politesse quand même. À la Châtre. C'est à côté de Limoges. Attends, voilà. En 1954, pour annoncer à ma famille que j'allais bientôt mettre la table pour les asticots, j'avais 34 ans. Comme Loulou, Louis, votre frère dans le film, Léa, bonjour Madame Seydoux, et votre beau-frère Marion. En effet, je savais que largué bientôt sur Gang Bang Fok, j'allais finir empalé sur des bambous aiguisés par les Viettes. Contre les Viettes. Oui, merci. Mais, à la différence de Louis, votre frère et beau-frère dans le film, je n'allais pas tourner longtemps comme une lopette autour du pot pour cracher le morceau et chanter à ma façon « Je suis né, venez, que je m'en vais ». Votre très famille bonne version, votre famille laissez-moi finir. Excusez-moi. Je suis en CDI. Votre famille dans le film, une belle bande de dégénérés. Mère hystérique qui fume comme un pompier sous sa perruque, sœur droguée, tatouée comme une porte de cagouins, un frère caractériel et la belle-sœur qui n'arrive pas à articuler trois mots. Mais ma famille, à la Châtre, M. Nagui, c'était bien pire. Parce que, André et Marcel, ma sœur et ma belle-sœur, étaient siamoises. Oh non. Les fameuses siamoises de la Châtre. Comment Marcel pouvait-elle à la fois ma sœur et ma belle-sœur? Eh bien, c'est parce qu'elle avait épousé en première noce le frère. Je terminerai là. Le vrai problème était que, sous l'occupation, André avait été la maîtresse d'un officier SS, tandis que Marcel s'était engagé dans la résistance. C'est moche. Résultat, à la libération, Marcel avait tondu sa sœur André, ce qui par la suite avait rendu l'atmosphère familiale et autrement plus irrespirable que dans... Juste la fin du monde. Voilà, pourtant, je l'ai vu hier soir avec vous, alors que vous dormiez. C'était pas le soir. Et croyez-moi, leur annoncer que j'allais bientôt manger la salade par le trognon, ce ne fut pas facile. J'arrive parce que je sens que je vais chialer. Merci. Léa Seydoux, Marion Cotillard sont à l'affiche de ce très beau et bon film aux côtés de Nathalie Baye, Vincent Cassel et Gaspard Ulliel de Xavier Dolan. Juste la fin du monde, oui. L'idée, le point de départ, c'est ça. C'est un jeune qui revient de loin, en tout cas. On ne sait pas trop... il revient de la ville, symboliquement. On ne sait pas trop s'il a traversé les océans, la planète ou simplement le pays. En tout cas, il revient en avion. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas vu sa famille, à tel point qu'il n'a même pas vu... qu'il ne connaît pas la présence de la femme. Il n'était pas au mariage de son frère, interprété par Vincent Cassel. Il n'a pas vu grandir, où il y a des souvenirs lointains avec sa sœur, interprétée par vous, Léa. Mais en tout cas, il vient en disant, pour leur annoncer, qu'il va mourir. Est-ce la fin du monde? C'est juste l'une des questions qui reste en suspens. Juste la fin du monde, en tout cas la fin de son monde. Et il arrive dans cette famille où il y a quand même d'énormes problèmes de communication. Chaque personnage a du mal à se parler les uns avec les autres. Par contre, ça parle énormément. Et c'est ça qui est drôle au début. C'est surprenant. Je suis désolé de dire c'est drôle, mais moi, les premières scènes... Ça pourrait être une comédie. Les premières scènes m'ont vraiment fait rire, alors que je sentais qu'il y avait ce côté révérencieux. Et on va voir un Dolan, t'es gentil, on n'est pas là pour rire. Et ben, moi, je me suis marré au début parce que c'est totalement barré façon... un air de famille, un tout petit peu aussi. Nathalie Baye, elle est à pleurer de rire tellement elle est déjantée. Vous, vous êtes extrêmement fragile, Marion Cotillard, au début. Vous êtes peut-être d'ailleurs la seule qui n'est pas vraiment de la famille, mais qui est la plus connectée avec Louis. Bah, c'est celle qui parle le moins, donc qui écoute le plus. Ouais. Après, le cinéma de Xavier Dolan, c'est pas forcément... Je voulais juste revenir sur le fait que vous disiez on va voir un Dolan, faut pas rigoler. Dans Momie, il y avait quand même des choses très, très drôles. Il y a des choses... Mais ça fait peur, ça peut faire mal aussi. C'est-à-dire que ça peut aller très loin dans la folie comique, comme dans la folie dramatique, quelque part. Mais donc, voilà, oui, effectivement, mon personnage... a un vrai problème de communication, et à la différence des autres qui hurlent et qui parlent tout le temps, elle parle beaucoup, beaucoup moins. Elle parle moins, elle l'encaisse et elle souffre parce qu'elle est finalement tiraillée. Il y a surtout deux frangins qui clairement s'aiment, mais pas de la même manière. Et elle est tiraillée par cet amour. Elle est la femme de Vincent Cassel. Gaspard Ulliel arrive. Elle est touchée, voire un tout petit peu séduite. Il y a des regards un peu ambigus entre eux au début. On se demande si elle est pas en train de basculer en se disant finalement je me suis peut-être trompé de frangin dans l'histoire d'amour que je connais. Non, pas vraiment, mais c'est-à-dire que tous les personnages fantasment totalement personnage de Louis, parce qu'ils l'ont ou alors jamais vu comme mon personnage, ou pas vu depuis très longtemps. Donc, et ils ont tous leur propre fantasme de ce frère ou ce fils pour le personnage de Nathalie. Donc il y a cette espèce de fascination en fait pour l'être absent et mon personnage à moi, il y a cette espèce de désir d'harmonie et d'apaisement qui va rester totalement inassouvi et elle a surtout envie pour son mari à elle qu'il y ait une espèce de résolution, que les frères se retrouvent, que le frère et la sœur se retrouvent, elle a ce désir et cette bienveillance qui au milieu du tumulte de la folie vie fantasmagorique de chacun va carrément s'écrouler, en fait. Votre personnage, il est assez doux. Vous aussi aimeriez que les choses aillent bien. Mais ça va tellement mal que voilà, vous explosez en permanence comme une ado en crise d'adolescence, mais extrêmement, extrêmement mûr, parce que vous aussi, vous comprenez que c'est quand même dingue, vous êtes fou ou quoi. Je ne sais pas combien de fois vous dites d'ailleurs, vous le criez dans le film, tellement ça vous énerve que les choses n'aillent pas bien. Oui, c'est vrai. Mon personnage est un personnage qui fantasme son frère, qu'il n'a jamais connu. Et oui, en effet, elle a cette fascination pour lui, ce qu'elle pense connaître de lui, ce qu'elle évidemment ne connaît pas de lui. Et elle ne peut pas s'empêcher d'être trop émue, je crois. Est-ce que tout à l'heure, vous étiez dans... c'était hier. Vous étiez dans... C'était hier. Je me souviens bien avoir entendu l'émission en direct hier, lorsque vous étiez dans la matinale de Patrick Cohen. Et Xavier, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, Léa, mais Xavier Dolan a parlé de vous en disant qu'il vous avait découvert dans la vie d'Adèle et que c'était une adolescente qui rentrait dans le monde d'adulte et que justement, là, dans le film, il voulait faire l'inverse. Il voulait que vous vous ramenez dans ce monde d'adolescente. Bah écoutez, vous savez, je suis ravie de l'entendre. Vous jouez un peu l'adolescente. Oui, oui, on peut croire que c'est juste une crise d'adolescence alors qu'elle est. On peut dire que elle est très adolescente, elle est très immature d'une certaine façon. Mais c'est pas. Je pense qu'on peut même pas vraiment comparer avec le film de Kechiche. Je jouais pas vraiment. Enfin, j'étais pas celle qui était la plus adolescente des deux dans le film. C'est clair. Mais en tout cas, ça a été un détonateur pour Xavier Dolan. En tout cas, je suis ravie qu'il m'ait prise dans son film. C'est un huis clos. J'ai appris également que vous l'aviez tourné en quelques jours, ce huis clos. Ça a aidé justement que tout soit aussi dense, aussi concentré pour que, d'un point de vue épidermique, il y ait beaucoup de choses qui ressortent, Marion ? Ou Léa, c'est vrai qu'on a tourné en 6 jours, c'est fou, ça. Et donc, ça a forcément... Faut rappeler quand même, pour ceux qui ne savent pas forcément, maintenant tout le monde sait la durée des tournages, mais ça se compte plutôt en nombre de semaines qu'en nombre de jours, en nombre de mois, effectivement. Pour les grosses productions, oui. Des fois, il y a des petites productions qui, en tout cas, c'est minimum un mois, minimum deux, quelque part. D'accord. Mais effectivement, ce film-là, on l'a tourné extrêmement vite. Après, on était dans le même décor, donc ça facilitait les choses, mais c'était emmené aussi par un Xavier Dolan qui a une énergie hors du commun. Et puis... voulu que ce soit tourné extrêmement vite ou c'était vos plannings aux unes et aux autres qui étaient particulièrement compliqués à réunir en même temps ? Je pense que c'était un peu tout. Ouais. C'était un peu voulu, comme s'il voulait nous mettre dans cette espèce de cocotte minute qui bouillonne et qui peut péter à tout moment. Et ça a créé quelque chose entre nous de... je crois qu'on avait tous très envie de travailler ensemble et on était très heureux de tous se retrouver. C'était la première fois, Léa, Marion, que vous étiez ensemble? C'était la première fois. Et il y avait une énergie d'envie et puis de vitesse qui, je pense, apporte quelque chose aussi... Ce personnage, oui, joué par Gaspard Huyel, qui est peut-être celui qui a le moins de mots, de lignes dans le film, mais qui a le plus de présence. Il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de sourires. Sa mère, jouée par Nathalie Baye, qui est juste... dinguissime. C'est Abfab. Voilà, je cherchais tout à l'heure. C'est un air de famille Abfab pour Nathalie Baye. Il n'y a pas de si dans Abfab. Elle souligne que Gaspard Huyel ne répond qu'avec deux mots, des phrases de deux mots par moment, mais il est très présent, très profond aussi dans ce regard humide en disant mais je viens leur dire que je vais mourir, mais c'est finalement peut-être eux d'ailleurs qui sont dans leur province, dans leur trou. C'est peut-être eux qui sont morts et moi qui ai du succès. D'ailleurs, il est auteur de théâtre ou de films et il n'arrive pas à communiquer. Tout est sur la communication ou l'incommunication ou l'incompréhension. Ah oui, c'est plutôt sur l'incommunication que sur la communication. L'impossibilité de dire les choses. En fait, ils veulent tous se dire qu'ils s'aiment, tout simplement. Mais c'est ça qui est beau, justement. C'est un film sur les non-dits. Voilà. Belle illustration, pas de souci. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est rare de voir des films comme ça qui traitent finalement de sujets assez communs aussi. qui est l'environnement familial, et c'est un film sur les sentiments que je trouve extrêmement beau et profond. Et du coup, dans sa vie à soi, ça donne envie de dire des choses à des gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ou alors de pas dire des choses. Oui, ou du coup, de cacher, oui. Quand on voit ce que ça déclenche. Personnellement, sur le son du film, ouais, ça donne envie. Ouais. Mais je crois que tout le monde bien peut sûr quand même se retrouver dans le film. À savoir, il faut que je dise les choses. C'est-à-dire ou, oups, que c'est j'allais pas le dire, forcément, il faut pas. On n'a pas forcément une famille aussi dramatique et farfelue, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous, on a tous des problèmes de communication avec. On a tous des difficultés parfois à exprimer ses sentiments. Et... En tout cas, Nagis, elle la libère et il m'a appelé à 2h du matin, c'était insupportable. Non, mais c'est surtout, on voit bien le personnage de Vincent Cassel qui éructe en permanence, on a l'impression qu'il veut frapper tout le monde. Même quand il vient comme invité, il fout les jetons à Vincent Cassel. Hein. Tu poses la mauvaise question, t'as peur. Il est très drôle, tu le sais. Oui. Mais là, il est. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être celui qui a le plus de mal à dire qu'il aime et qui est le plus déchiré. Dans son propre cœur et dans son propre ventre, même lorsqu'il propose comme ça de partir dans un autre huis clos dans la voiture avec son frère, il n'y arrive même pas, quoi. C'est trop dur. Il lui en veut sûrement de quelque chose, d'avoir choisi une autre vie ou d'avoir réussi la sienne ou d'être heureux dans ce qu'il a fait. Ça lui renvoie peut-être l'image d'un loser qu'il n'a pas envie d'être, mais c'est un déchirement de voir autant d'amour dans la marmite qui n'arrive pas à sortir. C'est fort en tout cas. Et en même temps, c'est très drôle. Il est pas tout le long. Alors soyons honnêtes. Tout le film n'est pas drôle. Je parle de Vincent Cassel. Oui. La relation qu'ils ont. À son corps défendant. Ouais, c'est ça. Il est drôle et parfois il est drôle volontairement parce que c'est un mec qui a le sens du bon mot aussi, de la pique, de la phrase qui blesse quand il vous agresse l'une ou l'autre. Il est à la fois très drôle et très cruel. Donc c'est un personnage très très ambigu qui fait que il s'ajoute à l'ambiguïté de tous les autres, ce qui rend le film d'autant plus intéressant. Ouais, c'est ça. C'est quand il y en a. C'est quand Louis à table dit je voudrais retourner voir la maison d'il y a 20 ans. Lui il dit moi j'ai envie d'aller me branler à Auschwitz au milieu du sang séché. C'est-à-dire que c'est extrêmement violent. C'est vrai que c'est super comme drôle. Phrase. Oui. Ça détend. Non, mais c'est-à-dire que, pardon Nagui, il le dit pas comme ça. Merci pour le pardon, mais t'inquiète pas, je sais que je ne suis pas comédien et que voilà, porté par non, mais il le dit dans l'élan d'une tirade qui est elle-même très drôle, et ça, c'est le point d'orgue. Et donc, voilà, ça désamorce l'horreur de la phrase. Dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, B, what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, or see my noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. C'est le nouveau film de Xavier Dolan, ça s'appelle Juste la fin du monde. Vous ne ressortirez pas le même que vous étiez avant de rentrer dans cette salle de cinéma. C'est un très très très bon film, extraordinairement interprété par Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel et nos invités Marion Cotillard, Léa Seydoux. Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Oh non. Ah, quel homme. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour. À l'origine, j'avais noté bonjour les amis. Pourquoi ? Mais on va arrêter de se mentir. j'en suis revenu de la politique de la main tendue avec vous.

Et là, on est à la radio, sinon je vous demanderais bien de faire une petite choré sur... Ça, c'est le meilleur morceau du film. Vous l'aviez pour jouer la scène ou il vous a simplement dit bouge comme ça et on verra? On l'avait, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser pendant la scène parce qu'on a besoin des sons. Ok, d'accord. Donc il vous l'a fait écouter, après il dit maintenant, voilà, imagine exactement. Que tu l'as. Ouais, donc d'accord. il faut. Mais c'est toujours comme ça dans les films. Hein. Quand on voit des gens danser, il n'y a jamais, jamais de. Oh, la de tristesse. C'est-à-dire, vous êtes en boîte de nuit en train de vous éclater, il n'y a pas de musique. En fait, il n'y a pas du tout de musique là, si vous voulez. Ok, d'accord. Et là, si les gens ne sont pas au courant que c'est un tournage, on vous prend pour une folle. C'est sur cette choré, même Vincent Cassel sourit et se marre. C'est vrai, il ouais, y a un petit moment de. C'est très subtil. De connexion. De connexion. Il y a juste un regard. C'est assez touchant et drôle. Un sourire en coin. Comment travaille Xavier Dolan, d'ailleurs, avant que nous allions dans la bande originale de vos vies? Est-ce qu'il vous parle beaucoup, comme lui-même est comédien? Est-ce qu'il joue la scène en vous disant voilà, je la fais d'abord et maintenant fais-la toi? Comment ça se passe, Marion? Non, il nous montre pas en le faisant, mais c'est. Quelqu'un qui est très très proche des acteurs, il est sur le plateau avec nous, il trouve toujours un petit coin où se mettre sur le plateau et il nous parle pendant les scènes. Et est-ce qu'il a la caméra lui ou il se met à côté de la caméra? Il se met à côté de la caméra. Il se met à côté de la caméra, d'accord. Et à côté de la caméra ou alors même à côté de nous, parfois il est à nos pieds, parfois. Il n'est pas à l'œilleton, il n'est pas en train de regarder le. Non, c'est cadre, pas lui qui cadre. D'accord. Enfin, je veux dire. Parce qu'il y avait deux questions dans sa question, c'est pour ça. J'ai pas aimé la deuxième. Il y avait deux questions, je reviens sur la première. Il y avait la première question qui était. Ah, je sais plus maintenant. Non, si, en fait, il est. C'était quoi la question? Il cadre, mais il n'est pas dans le cadre. Il décide du cadre. Il cadre, non. Et après, il a son cadre. Mais il regarde le cadre, oui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma moderne, Nagui, nous avons des petits iPads. Oui, des petits retours où il voit l'image. Des petits retours, d'accord. Des petits combos, des petits. Voilà, des écrans. Ok. Hein, voilà. Et donc, il est sur le plateau avec nous, avec son écran dans les mains. Mais en même temps, il va nous regarder, en même temps, il va nous parler, en même temps, il va nous toucher. Et pardon, c'est pas gênant quand on joue d'avoir quelqu'un qui parle ou qui susurre ou qui murmure? Bah, si c'est quelqu'un des indications. Qui parle en disant j'ai soif, il y a ta culotte qui est coincée dans ta jupe. ça peut être effectivement c'est déstabilisant. Mais en même temps, si c'est vrai, c'est quand même un bon conseil. Non, d'ailleurs, c'est ta jupe qui est coincée dans ta culotte, ouais. Normalement, c'est dans ce sens-là. Ou les rideaux coincés dans la fenêtre. Nagui, je vous en prie. Voilà. C'est ça. Ok, ça c'est fait. Il y a le sourire du plombier. Non, mais plus sérieusement, parce qu'il faut être sérieux un petit peu, il est très très présent avec les acteurs et c'est pas du tout dérangeant quand il nous parle parce qu'il insuffle une énergie, il insuffle des informations qui, comme nous en tant qu'acteurs, on. Au bout de quelques jours, et même dès le départ, on savait quand même tous que c'était sa façon de diriger. Mmh. On est vraiment branchés sur le même réseau. Et, de vous cinq, il n'y avait que Nathalie Baye qui avait déjà joué avec Xavier Dolan, c'est ça? Tous les autres, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Et vous, qu'avez-vous retenu comme souvenir ou comme enseignement, Léa Seydoux, d'avoir tourné avec Xavier Dolan, qui est le metteur en scène, le réalisateur avec lequel maintenant tout le monde veut travailler? Parfois, vous savez, quand on tourne, on ne se rend pas compte vraiment exactement de... On n'a pas conscience de... On se laisse diriger. Enfin, Xavier, c'est plus sa sensibilité qui m'a nourrie, d'une certaine façon, pour pouvoir interpréter ce rôle. Enfin, c'est plus le fond que la forme. Oui. D'accord. Mais le fait d'aller vraiment dans le trait humain, dans le oui, caractère, dans fait, au fond du sujet, ça vous aide? Bah, c'est-à-dire que comme oui, une psychanalyse, c'est-à-dire quoi, comme... qu'en fait, voilà, exactement, je me délaisse un peu de mes, voilà. De mes souffrances. L'enchaînement est tout trouvé, puisque en 98-99, par exemple, à la radio, on pouvait entendre. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Lauryn Hill, avec Doo-Wop That Thing. Donc, dans ces années-là, 98-99, vous, Marion, c'est Taxi de Gérard Pires qui vous révèle au grand public et qui vous permet même d'être nommée au César du meilleur espoir féminin. On a un peu oublié, parce que souvent les comédies ou les films comme ça à succès sont décriés ou laissés de côté, mais il y avait une vraie reconnaissance, que ce soit du public ou des professionnels. Taxi. Oui. Il y a pas ce côté film populaire. Non, mais souvent au César, un film quand il est populaire, Il n'est pas très bien accueilli par les professionnels parce que c'est un film avec des cascades, avec des vannes, avec la production Besson. Voilà, il y a un petit côté. Oui, après, ça dépend. Ça vous a pas gêné, vous, ça n'a pas été un boulet, au contraire. Non, c'est. Enfin, pas du tout, non, ça n'a pas été un boulet, ça a été une expérience. Vraiment chouette parce que c'était les débuts, c'était assez curieux d'avoir des débuts dans un film si populaire parce que d'un coup on a un rapport avec le public et comme j'étais très jeune à l'époque, c'était la célébrité quand on rentre dedans, c'est quelque chose de toujours assez curieux. Après oui, c'était les Césars, c'est une certaine forme de d'acceptation. Ouais, est-ce que c'est une forme de laisser passer ou on reçoit plus de scénars, l'agent a plus de contacts en vous disant Non, je me souviens pas. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. D'accord. Parce que ça restait quand même une comédie où on se disait, que c'était j'étais pas une actrice très sérieuse, quoi. D'accord. Quelque part. Dans ces années-là, revenons donc à l'analyse, Léa, vous décidez toute seule d'aller voir un psy, vous avez 14 ans, et là on en revient aux histoires de communication, on en revient au besoin d'être comprise ou de communiquer. Oui. C'est pas pour vous gêner, c'est au contraire pour que ça serve d'enseignement éventuellement à une gamine de 14 ans qui nous écoute ou à des personnes qui se disent j'ai moi aussi du mal à être comprise. En plus, c'est vraiment l'âge où on se demande qui est sur Terre pour vous comprendre. C'est vrai que l'adolescence, c'est un moment très compliqué de l'existence, oui. Et en fait, ce psy vous a servi à rien. Vous le dites, je suis plutôt allé voir un comportementaliste. J'en ai vu plein. Non, mais enfin, ça m'a servi, mais c'est vrai que je suis pas maintenant que je suis un peu plus âgée, je sais pas si je suis une adepte à ce point-là de la psychanalyse. Artiste, donc pas besoin de psychanalyse. C'est vrai. Parce que Picasso allait voir un psychanalyste, vous rigolez. Il n'aurait pas fait le même travail, sûrement, c'est ça? Ah ouais, certainement. C'est ça. En 2008, on écoutait... Écoutez ça à la radio, je sais pas d'ailleurs si c'était ce que vous écoutiez vous à la radio, ce genre de musique, Marion, Duffy, Mercy, vous aimez beaucoup, moi j'écoute pas mal de genres de musique et particulièrement les choses qui font danser. D'accord, mais donc, pas un genre en particulier, mais quand ça bouge en tout cas vous aimez ça. J'adore quand ça bouge, oui. Et vous Léa? Vous avez une BO, vous écoutez la musique dans votre vie, elle a une grande place ou pas? Oui, une grande place. Mais c'est vrai que j'aime bien les chansons françaises et les classiques. C'est-à-dire les chansons des années 70, les Delpech, les Brassens, les Ferré, Barbara. Ouais, voilà, j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi Michael Jackson. D'accord. Donc en 2008, pour info, donc on pouvait entendre Duffy avec Mercy. 2008 est une belle année pour toutes les deux. Une année où, après avoir décroché le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale aux Golden Globes, Marion, vous remportez successivement le BAFTA, le César, l'Oscar de la meilleure actrice pour Piaf. C'était une année totalement dingue. Il en reste quoi aujourd'hui dans votre mémoire? Rien. Il n'y a pas si longtemps, mais c'est... Un truc en or. C'est grisant, on a peur de redescendre finalement, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas monter plus haut que ça. Oh, c'est pas... Enfin, avoir un prix... Après moi, je ne cherche pas à monter... Je cherche à explorer, je ne cherche pas à grimper un truc qui ferait que j'arriverais à un pic. Donc il faut relativiser ces reconnaissances-là ? Non, mais c'est disons qu'une récompense, un prix, c'est quelque chose vraiment à apprécier sur le moment. C'est effectivement quelque chose qui moi a changé ma vie parce que l'Oscar c'est une récompense qui a mis une lumière sur une jeune actrice française sur un savoir-faire et sur un talent. Ouais, c'est ça. Ça vous a ouvert le marché américain? Complètement, oui. Ouais. Sinon, je pense que j'aurais jamais eu l'expérience que j'ai aux États-Unis si j'avais pas si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu cette année-là. Donc c'est extraordinaire pour moi parce que j'avais, en tant que comédienne, mon rêve d'enfant, c'était d'explorer et d'avoir la possibilité d'explorer plus que ma culture. Il y a un mec dont on ne parle pas assez. Et moi, chaque fois, j'essaye d'en parler et de lui faire d'ailleurs un petit coucou amical. Et je recommence aujourd'hui. C'est Didier Lavergne, ouais. Qui a eu aussi un Oscar à côté de vous pour le même film, pour La Môme. Et qui est un coiffeur-maquilleur. Le maquilleur de La Môme. Et un être humain particulièrement charismatique. J'ai vécu une très très grande aventure avec lui. C'est quelqu'un qui a eu plein de vies, qui a eu des aventures extraordinaires avec plein de gens extraordinaires, comme Coluche par exemple. Bon, on va préciser qu'avec Ludo, Didier était, ils étaient trois sur une moto lorsque la moto devant était celle de Michel Colucci. Donc il est totalement imprégné par ce triste épisode et il continue de penser que. Il y a trop de choses qui clochent pour que ce soit un simple accident de la route. Je tiens à le dire, mais plus par respect pour Didier que pour mettre encore de l'huile sur le feu, sur une nouvelle rumeur. Oui, parce que c'est quelqu'un qui peut pas être défini par ça. C'est quelqu'un qui est un vrai artiste, qui est un peintre. Et un confident, j'imagine, non ? Est-ce que les maquilleurs... Ça a été, c'était la personne la plus proche de moi. Alors, il y avait Olivier Dahan, le réalisateur, évidemment, avec qui on vivait quelque chose de... Avec qui je vivais quelque chose de très fort, mais c'est vrai que Didier, déjà il était sur mon dos sur ma face toute la journée, et que on avait 5 heures de maquillage parfois, il y avait une proximité qui était vraiment exceptionnelle. Belle année également pour vous et belle personne, puisque c'est le film où vous jouez sous la direction de Christophe Honoré, Léa Seydoux. Vous avez déclaré que c'était ce cinéma-là que vous vouliez faire. Ça veut dire quoi, c'est ce cinéma-là que je veux faire? C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai commencé, j'ai pas pris des cours de théâtre au conservatoire, je me suis un petit peu formée sur le... Oui, vous avez baigné dans le monde du cinéma quand même, vous n'avez pas découvert le monde du cinéma. Si on veut, mais quand j'étais petite, j'allais pas spécialement sur les tournages et tout, je savais pas. Puis c'est vrai qu'il y a pas d'acteurs dans ma famille, donc c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment. D'accord. Et c'était la première fois que en fait j'apprenais à jouer tout simplement, et puis à voir comment était un plateau, qu'est-ce que c'était qu'une marque au sol, un champ contre champ, tout ça, je savais pas. Et ensuite, je me suis évidemment intéressée au cinéma. Et on va dire que La Belle Personne, c'était le premier film d'auteur que je faisais, vraiment un film qui avait du sens pour moi. Et comment arrive Christophe Honoré pour cette adaptation? Et comment arrive Leïla? Déjà, bienvenue. Bonjour. Leïla. Elle est déjà arrivée depuis un certain temps, et au contraire, elle a eu la politesse de laisser parler nos invités. Et comment arrive Christophe Honoré en fait dans votre vie avec La Belle Personne, qui est l'adaptation de La Princesse de Clèves? Ouais, alors Christophe, je connaissais ses films, évidemment, et que j'adore, et... Tout simplement grâce à mon agent qui m'a fait passer un casting. Oui. Et donc j'ai passé un casting, premier casting, deuxième casting. Et c'est vrai que c'était un grand rêve pour moi que de jouer avec lui. Mais vous savez, les parcours comme ça dans une vie d'acteur, c'est des rencontres, c'est tout d'un coup des... Il n'y a pas de règles en fait, c'est compliqué à définir. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens merveilleux dans ce métier. Et des beaux salauds. Donc voici la liste. Alors, on a évidemment Leïla, Albert et moi, en tout cas, on était en même temps dans la salle, vu le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Et nous avons demandé à Nicole Prieur, merci Nicole de venir à notre micro. Merci de m'avoir invité. Vous êtes philosophe de formation, psychothérapeute, thérapeute familiale, hypnothérapeute et auteur de nombreux ouvrages sur les relations familiales. On avait envie d'avoir votre éclairage sur Juste la fin du monde, et c'est ce que l'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes à la fois de cet amour qui est en train de bouillir dans la marmite et qui n'arrive pas à sortir, de problèmes de communication et de compréhension. Exactement. Vous avez vu le film, est-ce que ça reflète ce qui se passe dans de nombreuses familles? J'ai adoré, parce qu'effectivement non seulement c'est filmé avec une sensibilité extrême, clairement. C'est extrêmement juste, vraiment, je veux dire, là c'est un peu dramatique parce qu'il y a les 12 ans d'absence, qui est quand même beaucoup, et puis il y a la mort imminente effectivement, mais les processus qui sont remarqués dans ce film-là et filmée dans ce film-là, avec un jeu d'acteur effectivement excellent. Je suis rarement enthousiaste pour des films. Hein. Donc, là, vous êtes dithyrambique, là. Ah, j'ai adoré parce que ça sonne juste, et je pense qu'effectivement, ça peut aider beaucoup de familles, si vous voulez, et beaucoup de personnes. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on sort du film, on se dit, mais c'est trop bête, quoi. Ben oui, parce que ouais. Si vous voulez, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a cette contradiction. J'aime ma famille, parce que quand même, on y retourne, hein, je veux dire, bon, mais en même temps, il ne suffit pas de s'aimer pour pouvoir se dire des choses, et il y a une confusion dans nos émotions, dans nos sentiments. J'ai envie d'être pris dans les bras de l'un, de ma sœur, j'ai envie de me rapprocher de l'un, et je lui donne une gifle, enfin, ou presque, enfin, je l'insulte. Alors, pardon, première question, est-ce qu'on est obligé d'aimer sa famille? Non. Mais alors, le piège, c'est qu'on croit que si on s'aime forcément. Il y a un lien, il y a une attache, il y a quelque chose. Et après vous dites on s'aime forcément. Non, alors, on s'aime forcément, mais l'amour, là où il y a une faille, c'est qu'on est vachement déçu. C'est-à-dire que cet amour ne nous permet pas de nous comprendre. On s'aime, mais on reste inconnu dans sa famille. Et finalement, on s'aime, mais l'amour ne répond pas. C'est là où je dis, il y a un amour, mais ça ne répond pas à ce qu'on attend. Et alors, pourquoi dans les familles, on peut avoir autant de mal à dire « je t'aime » ? Parce qu'il y a une accumulation de souffrances, de rancœurs, parce qu'on ne sait pas soi-même, et j'ai adoré aussi Louis, parce que quand il vient, c'est dit au départ, quand il dit « je viens, mais je ne sais pas pourquoi je viens », on est pris par toute cette ambiguïté. On a surtout envie d'être entendu par sa famille. Ouais. Et pourtant, on hurle. Et on n'écoute pas les autres. On est muré dans sa souffrance. Donc, on accumule des souffrances depuis l'enfance, des frustrations, des sentiments d'injustice, etc. Ah, et au moment où on a envie... Et à ça, n'est-ce pas ? Au moment où on les voit... On est dans la pleine contradiction. Mais en fait, plus les frustrations du passé sont retenues, et peut-être même le fait que ça dure depuis 12 ans, que tout ça soit enfermé, ça explose encore plus fort. Ah oui, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout à fait juste, entre ces deux frères-là. Enfin, ah oui, voyez. Enfin, bravo, il y a un truc juste. C'est à quelle heure ? Il fallait attendre vendredi quand même. Juste une seconde. On est vendredi. C'est-à-dire qu'effectivement, on lui en veut, et dans une fratrie, ça c'est difficile, dans une fratrie adulte, on lui en veut d'avoir osé se libérer de la famille. Parce qu'il y a le poids du père. On ne sait pas ce que représente le père. Qui est absent. Il est absent. Ouais. Il est mort sûrement très prématurément aussi. Donc je pense que dans la famille, il y a des places. Peut-être qu'on lui demandait... Il avait le même prénom que son père. On lui demandait peut-être de reproduire la place du père, etc. Il s'est sauvé. Il a osé se libérer de sa famille. Il y a une scène formidable, justement, où Marion Cotillard explique comment elle a donné... elle a choisi le prénom de Louis à l'un de ses enfants. C'est très beau. Et qui est rempli de délicatesse parce que à la fois il y a l'amour de dire voilà on avait envie de donner ce prénom et à la fois le j'espère que tu m'en veux pas il y a la gêne et l'amour c'est un moment particulièrement fort dans le film. Bah oui c'est elle essaye de communiquer quelque chose à ce moment-là avec une grande maladresse. Ouais. Parce que, encore une fois, la façon dont le personnage de Louis a été fantasmé l'a mis dans des cases. Et chaque être qui est mis dans une case, forcément, on est réduit à quelque chose de comment je, on est réduit tout court. Oui. Et réduit. Voilà. Tout réduit. Et du coup, il ne peut pas dire ce qu'il a au fond de lui. C'est ça le problème. C'est finalement ce qui est au fond de soi, on n'arrive pas à l'exprimer parce que ça peut blesser l'autre dans une famille. Finalement, si on dit trop de choses dans une famille, c'est ça aussi le piège dans une famille. On ne peut pas. Je crois qu'il faut sortir du mythe qu'il y a tout à se dire. Là, il y a vraiment beaucoup de non-dits. C'est la fameuse phrase on ne choisit pas sa famille. Déjà. Ah oui. Donc, on peut s'en libérer. On peut avoir. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà aussi avoir un repas sans dispute ? Petit 1. Petit 2, est-ce qu'il y a des périodes données, c'est-à-dire que, allez, 24-48 heures, ça va. Au-delà, ça finira par péter parce que on a chacun grandi aussi. Vous en parlez bien, Nagui. Hein. Ça sent le vécu. Alors là, bravo, parce qu'effectivement, c'est ce que je travaille avec mes patients. Quelquefois, vous savez, pour les fêtes de Noël, là, maintenant, vous on en parle dès maintenant pour dire combien de temps je peux supporter ma famille. Effectivement, c'est comme le bon vin, c'est à savourer avec modération. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Donc ah, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est valable pour toutes les familles. Ah, ça, je pense qu'effectivement, il y a des moments, justement, parce que la famille, pourquoi on est attaché ? Parce que c'est quand même le lieu de nos origines, c'est le lieu de notre enfance, c'est le lieu quand même d'expériences extraordinaires, c'est le lieu... On a besoin d'appartenir à une histoire, mais en même temps, on a besoin de s'en libérer. Alors, à l'inverse, si c'est trop fusionnel, s'il y a trop d'amour, et si une fille vit avec sa mère en permanence, sans s'en détacher, vu votre tête, c'est pas recommandable, j'ai l'impression. on risque de passer à côté de soi, effectivement. C'est ça. Si on est trop loyal à sa famille, si on est trop dans le désir que sa famille projette sur nous, dans le fantasme de sa famille, à ce moment-là, on n'arrive plus à accomplir peut-être ce qui est personnel à soi, quoi. Alors, vous signez chez Albin Michel la famille, l'argent et l'amour. Alors, l'argent n'est pas forcément le sujet de discussion ou d'énervement au sein de la famille, mais en tout cas, le succès, la reconnaissance de Louis de Gaspard Huliel, son épanouissement dans sa vie professionnelle en est un, parce qu'il y a le rapport entre les deux frangins avec moi je fabrique des outils, lui n'a pas su grandir et n'a pas su déployer ses ailes, et l'autre revient et lui c'est la vedette, c'est évidemment toi t'es heureux, t'es épanoui, donc c'est pas l'argent qui est dit, mais c'est au moins la reconnaissance professionnelle. Vous mettez l'argent entre famille et amour, parce que l'argent est une source aussi de conflit. Oui, alors le sous-titre c'est effectivement les questions matérielles, les enjeux psychologiques des questions matérielles, voilà c'est ça. Alors effectivement c'est tout ce qui tourne autour. Explosif. Oh oui, c'est un cocktail explosif, et d'autant plus que effectivement on est encore pris sous le mythe de quand on aime on ne compte pas, et donc du coup l'argent est un, alors à la fois c'est un tabou, on ne veut pas en parler dans les consultations par exemple, les patients vous vont plus nous parler. On s'arrangera tout à l'heure. Bon, plus non, c'est un parler... tabou, elle te dit pas à chaque fois, tu donnes ce que tu veux. Les patients peuvent nous parler de leur sexualité, ça on peut savoir tout ce qu'on veut, mais alors de la gestion du compte en banque, non. Donc plus c'est un tabou, plus ça pose problème dans ce qui me choque, il y a un truc qui me choque, Nicole Prieur, c'est que je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous dites. Oui. Pratiquement. Mais... Je n'ai pas encore lu le livre. Il sort quand chez Albin Michel ce livre ? En novembre, le 2 novembre. La famille, l'argent, l'amour. Oui. Il y a un problème. Quoi ? C'est que vous l'avez écrit en famille, avec Bernard Prieur. Et là, c'est un truc alors qui ne va pas. Là... C'était leur un risque. Puis-je vous êtes folle. Il a morflé, le pauvre. Hein. Non, c'est parce que je crois qu'on a l'âge maintenant où on peut le faire. Il a fallu quand même 50 ans de mariage. Vous vous rendez compte ? On va nous mettre dans un bureau. Ah non, mais, au Guinness d'abord. Mais 50 quand même, ans d'amour. On a quand même. Non. Non, j'ai pas dit d'amour, j'ai dit de mariage. Oh, faut pas pousser quand même. On a dit au Guinness, pas à la Guinness. On habite au 3e étage, donc on a essayé de faire attention pour ne pas balancer de linge. D'accord, par la fenêtre. Nicole Prieur, merci d'être venue. La famille, l'argent, l'amour, ça sortira en novembre chez Albin Michel. Merci d'avoir apporté votre éclairage sur tous ces liens familiaux qui est le sujet du nouveau film Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Merci. Merci. Justement, je voulais vous demander, vous Daniel, qui connaissez toutes les réponses évidemment possibles et imaginables, vous savez répondre à tout. Comment faire pour que des retrouvailles familiales se passent bien ? Oh le salaud ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh le petit salaud ! Ah non mais c'est pas possible, vous avez des auteurs, Nagui. Être aussi lumineux chaque jour. Votre question est d'un à-propos, monsieur Guy. C'est ça, oui. Elle est ciselée, ficelée à l'excellence, un vrai petit rôti sémantique. Seul petit bémol, monsieur Guy, votre question n'est pas la bonne. Non, la très bonne question est pourquoi s'embêter à voir sa famille ? Oui, pourquoi ? Pourquoi, quand on sait statistiquement qu'une famille en général est composée à 87% de connards et 9% de débiles ? Dans une réunion de famille, il y a toujours le cousin, aussi relou que fauché, qui souvent s'appelle Jean-François, et qui vous coince dans la cuisine pour vous dire « Au fait, je t'ai pas dit, je suis sur un coup génial, un truc qui va rapporter un max. Le problème, c'est qu'il me manque juste 30 000 euros pour démarrer. Si tu me les prêtes, dans 6 mois, tu touches 500 000 balles. Alors !» Dans ce cas, il ne faut jamais tourner autour du pot. Refuser son offre de façon ferme, mais toujours avec diplomatie, pour ne pas froisser la personne qui, après tout, est membre de votre famille. Répondez à un truc du style « Tu peux toujours crever, sale con, jamais je te prêterai même un euro, t'es qu'une merde, si t'essayes encore de me taper du fric, je te pète les dents fumier. » Bien joué. Là, normalement, il a compris. Dans les réunions de famille, il y a aussi l'oncle gênant, souvent qui s'appelle Jean-Claude. L'oncle un peu réac, qui en fin de repas est toujours bourré, qui lance « On dira ce qu'on voudra, mais les homosexuels, c'est pas des gens normaux comme vous et moi. » Quel tissu de conneries réac. Oh là là, tout le monde le sait aujourd'hui. Les homosexuels ne sont pas des gens anormaux. Ce sont juste des gens malades qui n'espèrent qu'une chose, guérir pour retrouver un jour le droit chemin où on croise... Un papa, une maman. Un papa, une maman. Merci Maréchal. Dans une réunion de famille, vous tomberez à tous les coups sur la cousine avec qui vous avez passé des vacances un peu hautes et qui, après deux verres de blanc, vous chope pendant que vous êtes sorti pour passer un coup de fil et qui vous dit en larmes « Pourquoi tu m'as jamais appelé ?» Bon, enfin, Brigitte, je croyais que tu m'épouserais après ce que tu m'as fait. Mais je t'ai juste toussé un sein, c'était il y a 34 ans. Mais moi, je t'aime. Oh, calme-toi, tout le monde nous regarde maintenant. Je m'en fous. Bon, moment de gênance et de gênation extrême. Et puis forcément, c'est à votre tour d'être un peu pompette. Et pour vous détendre, dans tout ce brouhaha, vous allumez une bonne clope. Vous n'avez pas le temps de tirer deux taf, ils sont 5 ou 6 à vous emmerder. Ah bah, te gêne pas, vas-y, fume, fais-nous tous crever d'un cancer. Si seulement je pouvais. Vas-y, je te signale, Daniel, que je fais de l'asthme, mais j'ai du mal à respirer. Eh ben, ferme ta gueule, économiste en air. Ah non, mais celui-là, il se croit tout permis, hein, parce qu'il travaille dans les médias. Ouais, les médias, une saloperie de radio de gauche, oui. Ta gueule, Jean-Claude. Tu sais quoi, tata Simone? Si tu me laisses finir ma clope, je te présente Nagui. Oh bah oui, alors ça marche. Hein. Vas-y, fume, mon grand, fume. Je sais pas pourquoi tout le monde aime Nagui. Tout le monde, toute génération confondue, les gens l'adorent. On voit bien qu'ils ne le connaissent pas en vrai. Ouais, alors tout ça pour dire que de la contrariété, la famille, elle ne mérite même pas qu'on fasse attention à elle et qu'on fasse le moindre effort. Du coup, et croyez-moi, ça me peine d'avoir à vous le redire. Mais encore une fois, Monsieur Guy, vous avez dit n'importe quoi. Merci d'ailleurs. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Je ne peux pas faire autrement que de réagir à ce que a dit Daniel Morin dans son papier. Non. Tu as parlé de Tata Simone et étant à côté de Marion Cotillard, je ne peux pas m'empêcher de demander des nouvelles de Simone. Ma grand-mère, mais elle est morte depuis hyper longtemps. Non. Votre pseudo, le pseudo que vous utilisez quand vous êtes sur scène, quand vous chantez et quand vous êtes un autre personnage. Simone est une chanteuse de salle de bain aujourd'hui. Oh non. Et Simone a fait Taratata, donc c'est pas une chanteuse de salle de bain, un peu de respect. C'est vrai qu'elle a fait Taratata. Bah ouais. C'est vrai. La réalité c'est que c'est une chanteuse de salle de bain. Mais ce qu'il y a de bien avec les salles de bain, c'est qu'on peut toujours en sortir puisque c'est nous qui sommes du côté du verrou. Ok, donc voilà. Faut être patient avant que Simone ne sorte. Moi-même, je suis très patiente aujourd'hui. D'accord, mais pas impatiente. Xavier Dolan, le film s'appelle Juste la fin du monde. Léla, t'as pas eu le temps tout à l'heure de nous dire ce que tu en pensais? Moi, j'ai été très très émue par ce film, non seulement par la sensibilité qui se dégage des films de Xavier Dolan, mais là en particulier, et se retrouver plongée dans une famille assez disparate, qui ne se connaît pas. Festen, forcément, on a forcément cette référence-là en tête quand il s'agit de réunions familiales qui... malheureusement, on tourne souvent mal. Je ne sais pas si vous avez évoqué la Garce. On a un tout petit peu au début, Jean-Luc Lagarce, voilà, ouais, on est aussi l'auteur. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre où il y a librement inspiré, voilà. C'est ça, il y a un monologue en moins, celui de Louis, et il y a des scènes de liaison, notamment la scène du repas, qui est une scène qui a été totalement écrite et inventée par Xavier Dolan. Voilà, a priori, un huis clos familial, on se dit, oh, au secours, je vais être enfermé comme ça avec eux pendant 2 heures et je vais devenir dingue. Et il y a quand même une fonction cathartique, en fait, dans se dire en sortant déjà qu'on n'est pas si mal dans sa famille. Il y a un petit côté un petit peu rassurant. En tout cas, moi, écoute, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Et j'ai été vraiment bluffée parce que c'est quand même assez rare, il faut le dire, d'avoir une distribution comme la vôtre, où on n'a pas le sentiment qu'on en a un en dessous de l'autre. C'est ça. Tout le monde est juste et tout le monde est à sa place. Voilà. Ça vaut quand même la peine de le dire et d'encourager nos auditeurs à aller le voir pour juger par eux-mêmes. Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel et nos invités Marion Cotillard et Léa Seydoux à l'affiche. De toute façon, ils sont 5, il y a 5 personnages. C'est un huis clos, je le rappelle, même s'il sort un tout petit peu, de Xavier Dolan, Juste à la fin du monde, en salle ce mercredi 21 septembre. Et on les retrouve encore dans la prochaine demi-heure. Vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Bain de foule très sentimentale ce vendredi avec Arthur H, Marc Lavoine, Oxmo Puccino. Des retrouvailles aussi avec Nina Morato. Et toujours des découvertes. Un dandy, Adam Nas, le pop sentimental Adrien Soleiman et notre résident du mois, Tim Dup. Et en live, le grand retour de Cocoon et la révélation Juliette Armanet. Foule Sentimentale. Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. À retrouver ce soir sur France Inter à partir de 21h. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159€ par mois. Une hybride à 159€ par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 990 €. Bonus écologique 750 € déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursée sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. France Inter. On aime. On vous en parle. Je suis un chanteur de passage. Bernard Lavillier en tournée. Et j'appartiens au paysage. Retrouvez Pouvoir, le nouveau spectacle de Bernard Lavillier sur les plus belles scènes de France. Elle m'attendait sous la véranda à Fortaleza. Le 24 septembre à Nantes, le 27 septembre à Toulouse et le 5 octobre à Marseille. Bernard Lavillier rejouera pour notre plus grand plaisir ses titres les plus emblématiques et les plus engagés. De cuir et s'écrit no future. Retrouvez Bernard Lavillier dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Les informations, Laetitia Gaillet. L'explosion est probablement due au gaz, un accident domestique. Un immeuble ancien s'est effondré ce matin dans le centre-ville de Dijon. Un appartement de 2 étages, visiblement. Le dernier bilan fait état de 18 blessés, dont 2 graves. Écoutez l'un des témoignages recueillis sur place par Thomas Nougaillon. Le bâtiment est complètement détruit, il y a des gens, il y a des blessés graves, il y a des gens qui sont encore en dessous. C'est grave, oui. Pareil, une explosion, ça a fait vibrer les murs de chez moi juste à côté et à ce qui paraît, ça serait peut-être une fuite de gaz. J'habite juste là et ça a fait vibrer les murs. On était le bâtiment en face, ça a explosé et ça a carrément explosé nos vitres. Sur nous, on a eu tout à coup plein de poussière. Mais ça fait une grosse fumée, un gros boom. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cour là? Je sais pas. Des habitations pour moi. Une cour intérieure. Bon, on voit qu'il y a des éboulements, mais après, j'en sais pas plus. Il y a des gens dessous, il y a une femme, apparemment, elle avait la jambe arrachée, d'après ce que j'ai entendu des gens là. Il y a une femme qui habitait juste à côté, elle a été projetée dans sa cuisine apparemment. Et donc tous les gravats, tout s'est effondré. Et on y reviendra bien sûr tout à l'heure dans le journal de 13h. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place, c'est ce qu'annonce la préfecture du côté de Dijon. Jamais je n'ai vu si peu de terrain d'entente entre les États. Le sommet européen de Bratislava en Slovaquie aujourd'hui sera-t-il faire mentir Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne? Pas si sûr. À son arrivée ce matin, Angela Merkel a reconnu que la situation était critique. Après le Brexit, les 27 cherchent maintenant une voie commune pour dessiner les contours de l'Europe post-Brexit. Au sommet aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement vont parler politique migratoire, frontières et défense commune. François Hollande a lui aussi plaidé pour une impulsion nouvelle pour sauver le projet européen et éviter une dislocation. La trêve n'aura pas duré longtemps en Syrie. On apprend que de violents combats opposent aujourd'hui les forces du régime à des rebelles en périphérie de Damas. Cette information est confirmée par un journaliste de l'agence France Presse, l'Observatoire syrien des droits de l'homme et une source militaire. Plus de 21 obus auraient été lancé sur Jobar, un quartier tenu par les rebelles. Cette rupture de la trêve va-t-elle contraindre les camions de l'ONU à faire demi-tour? Du côté d'Alep, les Nations Unies disaient encore hier vouloir profiter de l'arrêt des combats pour livrer aujourd'hui de l'aide humanitaire. Ce serait la première fois depuis le mois de juillet dernier. 250 000 personnes vivent dans les quartiers rebelles assiégés et il manque de tout. Qui pour rester vivre au Soudan? Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU aujourd'hui, plus d'un million de Soudanais du Sud ont fui leur pays pour se réfugier dans des pays voisins. Rien que depuis le mois de juillet et l'éclatement de nouvelles violences, ce sont 185 000 personnes qui ont fui le Soudan du Sud. Le mandat d'arrêt contre Julian Assange est maintenu. La cour d'appel de Stockholm l'a confirmé ce matin. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi par la justice suédoise dans une affaire de viol qui remonterait à 2010. Julian Assange nie les accusations et il dénonce aussi la validité du mandat. Il demande à ce que sa réclusion volontaire soit assimilée par la justice à de la détention arbitraire. Julian Assange s'est réfugié depuis 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est du tennis, c'est avec Noah, mais ce n'est pas lui qui joue la Coupe Davis demi-finale. La France affronte tout à l'heure à 14h l'équipe de Croatie sur son terrain à Zadar et le capitaine Yannick Noah a choisi Richard Gasquet pour jouer notamment. Richard Gasquet qui ouvrira le bal contre Coric. Gasquet, rescapé de cette équipe de France après les défections de Tsonga et Monfils, blessés au genou tous les deux. Gasquet prudent mais heureux avec Fabrice Abgral. Ça me fait plaisir de jouer, c'est clair, c'est fabuleux pour moi de me retrouver là. C'est assez inattendu aussi, ça c'est clair que c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, maintenant j'y suis, à moi de prouver que je peux gagner ce match et de surtout de le faire, quoi. Tout donner justement pour 100% de moi-même pour gagner ce match. Et c'est important de lancer l'équipe et de mener 1-0, quoi. Ça va être la guerre sur le court, quoi, tout simplement. Ça va être un match difficile pour tous les joueurs, on sait que ça va, l'adversaire est fort, il est chez lui. C'est de grands joueurs en face, donc on sait bien qu'il va falloir être solide pour les battre. Il y a le public aussi, donc il va falloir faire des grands matchs et sortir les tripes et très très bien jouer au tennis pour battre cette équipe. Richard Gasquet, le deuxième simple sera disputé juste après par Lucas Pouille et ce sera contre Cilic. Un mot du journal de 13h tout à l'heure. On ira à Cisco en Corse. Le tribunal correctionnel de Bastia a rendu son jugement tôt ce matin dans l'affaire de la rixe du mois d'août. De 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme ont été pour les condamnations pour les 5 prévenus. J'y arrive. On reviendra aussi sur l'émission politique d'hier soir sur France 2 avec Nicolas Sarkozy. Et puis on parlera aussi du salaire des profs au mérite. Frédéric Rollet du SNES sera l'invité tout à l'heure de Bruno Duvic. Vous écoutez France Inter, il est 12h05. Tous les dimanches sur France Inter, à partir de midi. Question politique, le rendez-vous politique de France Inter. Nicolas Demorand. Notre invité cette semaine est l'eurodéputé Yannick Jadot. Il est candidat à la primaire des écologistes. Interview et toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Question Paul. Question politique, une émission en partenariat avec Le Monde et France Info, à écouter sur France Inter dimanche à partir de midi et à regarder sur la nouvelle chaîne France Info, canal 27 de la TNT. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite et puis moi je regarde à gauche. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Et tout de suite sur France Inter, la suite de la bande originale avec Nagui et toute sa bande. Merci Laetitia Gaillé, à tout à l'heure. Oh, 13h, il y aura le journal de Bruno Duvic et puis il y aura... Et Laetitia Gaillé reviendra vous informer toute l'après-midi, à tout à l'heure. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudeldi. Bonjour à tous. Guillermo Gué. Daniel Morin. Bravo, bravo Daniel. Albert, Richard Lorrain qui est au clavier. Et nos invités Léa Seydoux et Marion Cotillard. À l'affiche du nouveau film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Lorsque vous avez, on l'a vu, on l'a aimé, on l'a pitché, on l'a raconté. Mais la première fois, Léa, où quelqu'un vous a dit, mais ça parle de quoi? C'est quoi ce film? Vous avez dit, c'est une histoire de famille, c'est un problème de communication, c'est une histoire d'amour. Comment vous le définissez? Quand je fais le speech, c'est vrai que c'est un peu cruel. Bah, je dis que c'est l'histoire d'un metteur en scène qui rentre dans sa famille après 12 ans d'absence et qui va annoncer sa mort prochaine. Bon, dit comme ça, c'est... C'est sûr. Ça donne vraiment envie. Et vous, Marion, vous dites ça aussi ou avec vous essayez d'y rajouter la dose de l'enseignement, justement, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce que ça apporte sur les rapports familiaux, la compréhension, la manière de dire « je t'aime ». Je dois avouer que je me souviens plus bien comment... Du film ? On a dû me poser la question et j'ai dû répondre. Mais non, je sais pas, je dirais que c'est une histoire de famille. C'est quand même l'histoire. C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais c'est quand même quelqu'un qui vient dire je vais mourir, qui n'arrive pas à dire je t'aime et qui entend des je te déteste. Ça c'est bien pitché, ouais. C'est le truc un peu dingue. Tu t'as noté, Léa, parce qu'on va en avoir besoin, je crois. Non, c'est vrai, c'est une histoire de famille, d'incompréhension. Et effectivement, comme on le sait dès le départ, de quelqu'un qui vient annoncer sa mort prochaine et... Et puis des gens qui... C'était utile ce que je viens de dire ou pas? Oui, parce que non, mais parce que c'est des gens aussi qui parlent. Moi, je vais le noter. C'est des gens qui parlent. Ils parlent beaucoup, ils parlent même souvent en même temps, sans forcément s'entendre. Ou s'entendre au sens... Conversation radio. Oui, effectivement, il y a beaucoup de bruit. Ils parlent beaucoup, mais ils ne se parlent pas, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. mais en tout cas, comme l'a dit Leïla tout à l'heure, la justesse des comédiens aide beaucoup. Pour la petite anecdote, Vincent Cassel n'était pas initialement au casting. Je ne sais pas si vous le saviez, c'était un autre comédien qui devait le faire au début. Vous avez entendu parler de Vincent après ? Oui, d'ailleurs, on avait travaillé avec l'autre comédien, et puis il y a eu des problèmes. Vous ne voulez même pas citer, vous voulez que je le fasse? Non, mais parce que c'est toujours. C'est délicat. En plus, c'était vraiment un problème de date. Non. Non, c'était un problème de date. Je crois me souvenir qu'il y avait du retard sur le film précédent et tout. Mais parce que le rôle appartient à celui qui le fait, et donc c'est pas nécessaire de parler d'un autre acteur. Mais Vincent l'a dit lui-même en plus. Hein, il a fait l'outing en donnant le nom du comédien en disant ça devait être un tel. Et finalement, il devait tourner. Il a même précisé quel film. Et pourquoi vous le dites pas, vous, c'est ça, par parce exemple que là, parce que c'est bizarre. C'est vous qui êtes bizarre. Parce que je respecte. Non, parce que moi j'ai pas envie de balancer. Si vous avez pas envie d'en parler, c'est tout. Pour pas vous mettre mal à l'aise, vous, puisque vous avez travaillé avec lui aussi. C'est hyper gentil. Voilà, c'est très délicat de sa part, mais il est délicat. Vas-y, mime-le, je le dis, moi. Non, c'est Reda Keitel qui devait faire ce... Absolument. Ok, je l'ai dit, voilà. Très bon comédien. Et en plus, Excellent comédien, absolument. Mais ce qui est dingue, c'est quand on voit Vincent Cassel dans le rôle, on se dit, ça peut être que Vincent Cassel, tellement il en a fait un personnage particulier. Il est dingue. Il nous a fait beaucoup rire. Paradoxalement, parce qu'on pourrait s'attendre à... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que t'arrives. Mais je pensais que c'était important d'insister, Albert, d'en remettre une couche. Faut être honnête avec les auditeurs, quand même. Dans le premier quart d'heure du film. Ouais. D'accord. Extrêmement. Ah oui, non, je crois de l'émission. Hein. Ouais, l'émission aussi, il est drôle. Après, il est touchant, parce qu'on se dit que c'est le genre de bonhomme capable de frapper ou d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller dans des excès de violence, alors qu'au fond de lui, il n'y a que de l'amour, mais sauf que ça n'arrive pas à sortir. Il y a un tamis qui fait que ça sort en haine et en agression. C'est un animal blessé. Et donc un animal blessé est forcément dangereux et incontrôlable quand on touche à sa plaie. Et c'est ce qui se passe dans le film. Donc à un moment donné, il est plus contrôlable et il est exceptionnel dans effectivement autant les moments très très drôles de son personnage que les moments donnés où il est poignant et sur le plateau. Enfin, on a tous vécu un moment très très très fort avec lui quand il a une scène en particulier où il est perd complètement le Louis contrôle dit, même de lui-même. Ouais. Toute cette partie-là, c'était époustouflant à regarder. Et il nous a tous plongés dans un... Oui, dans les larmes montent rapidement un d'émotion aux yeux. Très, très, très fort. Ouais. La seule déclaration d'amour, finalement, qui est dans le film, c'est vous, Léa, votre personnage qui la reçoit, puisque la seule chose qu'arrive à dire, finalement, Louis, c'est « tu peux venir me voir quand tu veux ». Vous attendiez ça depuis tellement d'années. Il y a évidemment la déclaration d'amour de la maman qui a soufflé cette phrase en disant « mais tu ne te rends pas compte qu'elle n'attend que ça, que tu lui tendes la main pour qu'elle puisse venir te rejoindre. » Ouais, mais en fait c'est aussi un film qui est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que au premier abord on voit que tout le monde se crie dessus et a du mal à exprimer ses sentiments, mais finalement tous les personnages sont beaucoup plus fins qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, la mère aussi qu'on voit comme ça très survoltée est en fait a tout compris à la situation. Alors j'ai l'impression que celle qui a tout compris, en tout cas de ce que vit Louis, c'est votre personnage. On a l'impression dans votre jeu, en tout cas, que la seule qui sait la raison pour laquelle il est là et s'il va finir par le dire, c'est vous. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, notamment quand il y a un jeu de mots, il y a une phrase où presque vous mordez sur tu vas bientôt partir. Enfin voilà, il y a un truc qui flotte comme ça sur l'avenir. Mais effectivement, le personnage de la belle-sœur, c'est un être qui a une extrasensibilité. Et comme tous les êtres qui ont une extrasensibilité et qui ont du coup une présence particulière, sont connectés à ce qui se passe et voient des choses que les gens qui cachent leur être profond par beaucoup beaucoup de bruit, par beaucoup d'esclandre, vous arrivez à lire à l'intérieur, forcément pas. pas voir, en fait. Ouais. Et en ce sens, la construction, la structure même de la tragédie grecque, elle est là, puisque le pitch que vous faites, elle est assez doux, en disant, oui, bah, c'est pas très vendeur, il arrive après 12 ans et puis il va mourir. C'est le principe même de la tragédie, c'est de pas savoir comment ça se finit, mais savoir comment on arrive du début à la fin, et c'est le cheminement qui est intéressant. Et votre personnage, vous, Marion Cotillard, sous ses abords un petit peu éthérés, elle me fait aussi beaucoup penser dans les tragédies grecques à ces personnages tels Cassandre, qui sont un petit peu déconnectés du réel, doués en effet d'une hypersensibilité, qui sentent les choses, qui ne semblent pas comme ça moteurs dans l'action et pourtant qui ont une responsabilité considérable. Et je trouve que si on relie ce film à l'aune de ces grands critères tragiques, chacun, que ce soit Cassel, le frère, on peut faire un parallèle avec Antigone dans cette forme de violence, de tentative de prise de pouvoir de la famille, vous dans ce personnage jeune et troublé qui est en recherche d'affection, là encore, on peut à chaque fois le positionner comme ça. J'ai trouvé que la construction du film, même par la réalisation et par beaucoup d'accents, est très très proche de la forme antique, en fait. Vous attendez pas à ça, hein, le coup du grec? J'attends pas à ça. Ça s'appelle Juste la fin du monde. Et voici juste Daniel Morin. Oui. Aujourd'hui, nous recevons avec émotion deux grandes comédiennes françaises, Mesdemoiselles Marion Cotillard et Léa Seydoux. Comme nous avons des moyens limités ici à Radio France et que pour accueillir nos VIP, c'est un gobelet de café en grains, une bouteille de cristalline, une bouteille remplie au robinet il y a 20 minutes par un stagiaire au Mainsal, nous sommes obligés de biaiser pour que nos invités de prestige se sentent honorés. Pour faire plaisir à Mademoiselle Cotillard, écologiste convaincue, nous avons attendu ce vendredi 16 septembre, journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. C'est aujourd'hui. Vous êtes sensible à cette attention, Marion ? Le gobelet en plastique ? Non, aujourd'hui c'est la journée de la couche d'ozone. On l'a fait pour vous, on a attendu quelques jours. Oui, c'est dommage qu'une journée. Absolument, ouais. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Il faudrait que vous les rendiez. Toutes ces journées, heureusement, disons qu'elles existent. Mais effectivement, c'est trop peu. C'était pour vous qu'on l'a fait, en tout cas, hein, pour faire plaisir à mademoiselle. Merci, je vous en prie. Pour faire plaisir à mademoiselle Seydoux, nous avons tout spécialement choisi ce vendredi 16 septembre, jour de l'anniversaire de Pierre Moscovici. Vous êtes sensible à cette attention, Léa ? Je préfère la couche d'ozone. C'est un peu le problème de Pierre Moscovici. Hein. C'est, tout le monde s'en fout. On ne fait pas les cadeaux. C'est un drame. Bon, j'aurais essayé, hein, bon, mais tant pis. C'est bien. Quoi qu'il en soit, bienvenue mesdemoiselles. Vous êtes venues nous voir pour parler du film de Xavier Dolan. Non. Juste la fin du monde, un film bouleversant. Tu l'as pas vu. Qui m'a arraché les larmes des yeux et coupé le souffle à de nombreuses reprises. Et encore, et encore, et encore. Heureusement, je n'ai vu que la bande-annonce. Je n'ose pas imaginer dans quel état je serais si j'avais vu tout le film. Ah ben c'est comme ça, je suis hypersensible. Hein, pas une machine faite d'ironie et d'indifférence. Comme une bête à sang-froid, cette bête qui est Nagui. Nagui qui peut regarder à l'infini des images de chatons qui meurent tout en mangeant des chips. Bref, allez, on change de sujet, ça me dégoûte, ça me déprime. Oui. On va rester quand même dans l'émotion. J'ai hâte, je suis si impatient, je n'en peux plus. Enfin, enfin, le voilà, il arrive. Nous sommes à moins de 22 heures de l'ouverture des portes du salon du mariage. Porte de Versailles à Paris. Ah, alléluia, alléluia, mes amis, oui. Quoi dans la vie de plus merveilleux que le mariage? Quoi de plus magique que le mariage? Quoi de plus fantastique que cet événement qui marque notre vie à jamais? Hein? Dites-le-moi, quoi? Le célibat. Ah. Bonjour, Père Albert. Bonjour, Daniel. Non, mais je rêve, un homme d'église qui prend le célibat. Et alors? Alors demain, c'est l'ouverture du salon du mariage. Vous ne trouvez pas que cette noble et romantique tradition est un événement réjouissant et épanouissant? Alors là, mon garçon, je peux te répondre sans détour et avec emphase, non! J'ai bien dit? Oui, le mariage est une prison et les alliances ne sont que les premiers maillons de la chaîne qui te rattachent au boulet que tu vas traîner toute ta vie. Mince alors, vous avez gâché tout mon enthousiasme. Mais non, ne sois pas triste, Daniel. Quand même. Je sais bien que le mariage réserve des joies quand on l'associe à d'autres événements. Comme quoi? Le divorce. Oh bah merde, alors j'étais persuadé, mais alors persuadé hein, que vous étiez un prêtre heureux de célébrer des unions. Je pensais que pour votre sainte mère l'Église, il était même indispensable de se marier pour pouvoir enfin aimer pleinement la personne chère à son cœur. Oh mais écoute, c'est des histoires anciennes tout ça. Non, aujourd'hui, plus besoin de se marier pour s'aimer. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Si jamais fallait être officiellement marié, on baiserait jamais nous les curés. Je tombe des nues. Eh bien, relève-toi. Hein. Dans la religion, comme en toute chose, il faut savoir lire entre les lignes. Quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres oui. », crois-tu vraiment qu'il ait dit ça dans le sens « Soyez gentils avec vos voisins et collègues de bureau ». Ben oui. Eh ben t'es con. Il a voulu dire « Allez-y les amis, éclatez-vous tous avec tout ce qui vous entoure, l'amour physique, il n'y a que ça de vrai, chopez-vous dans la rue, chopez-vous au travail, chopez-vous dans les transports en commun, chopez-vous dans les magasins, vous verrez, il y en a même un qui commence à choper tout seul chez Castorama ». Vous êtes sûr qu'il a voulu dire ça? Eh oh, Jésus? Je sais ce que je dis. C'est quand même mon boulot, Jésus et toute sa clique. Oui, c'est vrai, pardon d'avoir douté. Bon, bah, demain, c'est l'ouverture du salon du mariage. Surtout, n'y allez pas. Voilà, qui est plus raisonnable. Merci, mon père, bon week-end. Merci, Daniel Morin, merci à vous. Voici le brouillon de culture de Leïla pour Léa Seydoux et Marion Cotillard. C'est un nouveau jingle. Léa, je garde le son. Je garde, on se mouche, c'est super. Je vous sors. On se mouche pas dans le coude. Non, et je vous sors. Marion et Léa, je vous sors de la promo un petit peu. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et quand je pense à vous, Marion Cotillard, j'ai une réplique qui vient en tête et je ris. Qui a déjà eu un accident de voiture ici? Quoi? Toi? Toi? Personne? Eh ben ça va venir alors. À 18 ans, on commence à boire. Et puis on veut impressionner ses amis. Et paf! C'est le platane assuré en revenant de Louvain-la-Neuve. Toi, Charlotte, tu sais ce que c'est qu'un pare-brise? Eh oui! Si aujourd'hui tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta maman, elle flûte! Quelle horreur! Je ne peux pas vous l'empêcher. C'est ma scène préférée dans Dick and Nick, où vous incarnez cette institutrice totalement mais barge sous l'emprise de la schnouf, ce fléau, bien absolument entendu. Ce fléau. Et c'est complètement culte. Ça, c'est la professeure que tu es qui adorait. J'aurais rêvé d'amener mes élèves dans le musée d'exercice accidenté de la route et me balafrer le visage et leur faire peur. Ça, Marion Cotillard, c'est indépassable, Dick and Nick. Comment, j'imagine qu'on vous en parle beaucoup, ce film donc belge avec François Damiens, Dominique Pinon, Florence Foresti. Et Mélanie Laurent. Oui, c'est vrai qu'on m'en parle souvent. C'est ce qu'on, les films qu'on met dans la case film culte. Ouais. Même si, enfin voilà, c'est pas un film que tout le monde connaît, mais c'est un film qui a marqué en tout cas ceux qui l'ont vu. C'est générationnel. Il y a eu cette arrivée près de chez vous, et j'ai l'impression que Dick and Nick est en très très bonne place pour être un film référence oui, de cet endroit-là. Oui, peut-être avec moins de retentissement, mais ça fait partie des films dont on me parle régulièrement. Et c'est pas fatigant de s'entendre toujours parler de ce film-là? Mais alors arrête d'en parler. Mais moi j'assume complètement mon côté groupie pour ce film. Pas du tout. J'adore ce réalisateur. Ça a été une expérience vraiment chouette et donc ça me dérange pas du tout. Léa Seydoux, il y a un film de vous que j'adore. Je vous propose d'écouter un petit c'est extrait. Pas une comédie. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres. On a volé. Oh mon Dieu. C'est d'arsenic à la place du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? C'est le journal d'une femme de chambre, réalisé par Benoît Jacquot. Qui est adapté du bouquin d'Octave Mirbeau, de ce roman du début du XXe siècle, pour vous le situer un petit peu. Je vous ai trouvé fantastique dans ce film. Et je me demande, quand on aborde ce rôle de Célestine, qui est quand même, juste pour la replacer, cette femme de chambre qui raconte, en tout cas Octave Mirbeau lui donne la parole, ce qui est très novateur pour le début du XXe siècle, de faire parler la soubrette. Elle raconte les mesquineries du monde dominant, de la classe dominante, des bourgeois. Comment est-ce que un rôle comme ça, vous l'abordez, alors que souvent vous définissez comme une bourgeoise? Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. La question à plusieurs tiroirs. Ouais. Vous pouvez ne pas répondre. Ou choisir qu'un tiroir. Non, mais je sens que vous êtes bien parti, Léa. C'est gentil. Je me définis comme une bourgeoise, non pas... Dans les interviews, vous dites que je suis une bourgeoise. Non, je l'ai dit là, dans le L, parce que... Ouais. Parce qu'il faut dire un truc. Parce que c'est elle. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, oui, enfin, oui, je suis une bourgeoise. Mais c'est vrai. Oui, bah, ça m'intéresse. C'est en tout cas de jouer des rôles de non-bourgeois, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Oui, si on regarde les films que j'ai faits, les rôles que j'ai faits, ça ne m'intéresse pas et en même temps, ça peut être très très intéressant, mais je trouve que on m'en a pas encore offert, mais les rôles que j'ai interprétés jusqu'à aujourd'hui, oui, sont des... Je joue a priori des choses qui sont assez loin de moi, mais c'est ça qui m'amuse et surtout ça me touche plus. Et c'est un personnage qui avait été interprété par Jeanne Moreau, il y a un précédent. Et par Paulette Godard aussi. Et ça vous avait impressionné d'avoir vu, vous l'aviez vu, revu le film Jeanne Moreau? Non, je l'ai pas vu parce que parfois ça peut m'encombrer un peu. D'accord. Mais non, je l'ai pas vu, mais en tout cas... C'est un film de Louis Malle. Oui. Très beau film. Non, c'est pas Louis Malle qui a fait... Non, c'est pas Louis Malle. Le premier. Oui, le second, c'est Louis Malle. Ne vous battez pas tous les deux, ne vous battez pas. On s'en fout. Il y a Nagui qui boule. Vous êtes sûr que c'est Louis Malle? C'est pas le Buñuel? C'est Buñuel et Renoir. Bim, Guillermo 1-0. On est là. En tout cas... Bonne réponse, un point pour Guillermo. En tout cas, c'était l'occasion, moi, de vous offrir un livre. Hop, j'aimerais répondre à tiroir. Ah, Léa Seydoux, je vous offre un livre. Et un livre que j'adore, c'est Chansons douces de Leïla Slimani, qui est en très très bonne place pour cette rentrée littéraire, qui concourt pour le Renaudot et pour le prix Elle de Flore. Elle l'a pas, j'ai vu le truc. Arrête de dire ça, c'est horrible. C'est chez Gallimard, c'est son second roman. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est que le bouquin, en fait, me fait penser à la fois au film et au journal Une femme de chambre, au sens où ça commence, où, avec les pleurs d'une mère qui se rend compte que ses deux enfants ont été assassinés. Par qui? Par la nounou. Et que cette nounou s'est ratée. Elle n'a pas pu, elle, derrière, se suicider. Non, je finis parce que finalement, on connaît l'histoire dès le départ, comme dans le film de Xavier Dolan. C'est écrit avec une finesse incroyable et ça vous explique à un moment comment un personnage étranger, finalement, à qui on confie la prunelle de ses yeux, peut faire partie de la famille d'une certaine façon, mais reste définitivement un étranger. Et j'ai pensé au journal d'une femme de chambre. Attends un peu avant de le lire, quand même. Ça reste de la littérature. C'est très, très bien écrit. Très bonne vanne de Marion. Ouais, non, je sais bien. On n'a pas compris, mais on est d'accord avec vous. Précision aussi, dans Par les temps qui courent, c'est une famille issue de l'immigration qui engage une nounou. Qui s'appelle Louise. La nounou s'appelle Louise. Et pour le coup, la nounou, ce n'est pas forcément Fatima ou. C'est ça qui est drôle. Avec un autre prénom. Donc il y a aussi une inversion. Fatima est la maman et Louise. C'est Myriam la maman et c'est Louise la nurse, on va dire. Mais c'est un très très beau roman. C'est très très bien écrit, d'une efficacité redoutable. Attendez peut-être avant de le lire. Et moi, j'ai un dernier cadeau pour vous, Marion. Plus léger, vous allez voir, j'ai varié. C'est une bande dessinée. Ce sont les nouvelles aventures de Guéluron. C'est génial. Qui sent que tout lui échappe. C'est chez Fluide Glacial. C'est une excellente maison que j'aime beaucoup. C'est signé Pixel Vengeur et Fab Caro, à qui l'on doit Zai, Zai, Zai, Zai. Si vous aimez la bande dessinée, vous le confirme. C'est Guéluron, c'est d'après Gottlieb, vous le savez. Et Guéluron fait vraiment partie du patrimoine de la BD. Initialement, c'était un personnage secondaire dans Nanar. Et il a maintenant ses propres albums depuis un certain temps. C'est un peu le calque de Droupi de Tex Avery, parce que Guéluron, contrairement à ce qu'on pense, fait tout le temps la gueule. Il est assez apathique. Comme chien. Voilà. Ça vient de sortir. Je vous remercie parce qu'en plus, Gottlieb fait vraiment partie de mon enfance. La rubrique Abrac. Absolument. Formidable. Ouais, la rubrique Abrac, je l'ai lu très très jeune. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, j'ai appris plein de trucs sur l'anatomie. Et là, Guéluron n'a pas de slip, hein, parce qu'à une époque, il avait un slip et c'était un slip assez. Comment dire ? Imposant. Danse. C'est ça. Voilà. Oui, je pense qu'on a compris. Des excuses à présenter, Daniel. Absolument. Désolé pour Nagui qui a découvert en plus qu'il était moins bon comédien que Vincent Cassel. Imaginez la réaction qu'il va avoir d'ici quelques heures quand France 2 va lui annoncer qu'elle préfère Tex. Désolé pour tous nos auditeurs qui ont eu l'impression d'entendre les mêmes questions en deuxième heure qu'en première heure. Ça, c'est le problème quand un intervenant arrive une heure à la bourre. C'est pas vrai. Et désolé pour tous nos auditeurs qui ne savent plus vraiment quel jour ou quelle heure il est. Moi-même, de me retrouver aujourd'hui, dimanche 17h34 à la radio, je vous avoue que ça me fait bizarre. On est vendredi et il est midi et demi. Merci à Léa Seydoux, à Marion Cotillard. Passez une très bonne journée. Allez voir juste la fin du monde de Xavier Dolan et à suivre. C'est Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Merci Nagui, merci la bande. À lundi. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France 2, tous les après-midi, du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien. Avec Frédéric Lopez, Stéphane Bern, Amanda Scott, Thomas Touroud et Nagui, du lundi au vendredi, dès 14h, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Dernier volet des carnets en Dordogne. La semaine prochaine, nous serons en Gironde. Bienvenue tout d'abord à Lascaux, ou plutôt à Montignac, petite ville de 3000 habitants et dont la colline voisine est mondialement connue pour ses grottes de Lascaux. Vous l'avez certainement entendu ou lu il y a quelques jours, Lascaux 4 ouvrira en fin d'année ses portes. C'est prévu le 15 décembre. Je rappelle qu'il existe déjà un fac-similé de grottes, Lascaux 2, et une exposition itinérante, Lascaux 3. La version 4 sera un centre international de l'art pariétal dans un édifice très contemporain au pied de la colline. Devant l'excitation produite par les commentaires sur la qualité de la reproduction intégrale de la grotte, des réservations sont déjà en ligne et ouvertes. Et les prévisions de fréquentation tournent autour de 400 000 visiteurs annuels. Le site, c'est projet-lascaux.com. Aujourd'hui, nous abordons une autre mémoire, celle des populations qui ont émigré tout au long du siècle dernier de Bretagne, parce qu'il y avait quand même l'étrangeté entre la Bretagne et notre Dordogne, ou d'Angleterre, ou d'Espagne, ou d'Italie. Claude Fosse a réalisé un formidable travail de collecte de paroles qu'elle restitue au public.